vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Et je suis assez content puisqu'aujourd'hui dans Tam Tam, sur TV6, la plus jeune des télés, on a revu... On est né dans la musique, on va pas la quitter comme ça, toi et moi. Bonsoir, bonjour, good evening, salam alaikum, shalom. L'album de Mimi, Manval. C'est la semaine Furania. Toutes les fabriques de son Made in Saint-Etienne sont sur Radio Dio. Bienvenue dans la nuit des temps, spécial Furania, spécial Alain Manval. Souviens-toi du futur. Precious, c'est The Jam en 1982. Precious comme Alain Manval qui a importé le punk, les Clash, Damned et les Pistols sur les ondes en 1978. Il a poussé le happening radio au rang d'art et c'est l'histoire d'un petit gars de Saint-Etienne qui a servi le rock comme jamais dans les médias en France à une époque où c'était pas ça. C'est l'histoire des radios libres, du punk sur les grandes ondes avec Europe 1, bien avant que la station ne devienne ce truc néoconservateur aujourd'hui. Alain Manval, c'est le rock à la télé sur TF1 les samedis après-midi, avec son style classieux, un peu dandy, new wave, et qui balançait les dernières nouveautés venues d'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne. C'était avant Internet. C'était une époque où trouver de la bonne musique consistait à traverser l'Atlantique ou la Manche à la rame. Alain Manval, c'est aussi l'histoire d'un gars qui a tout changé au niveau de la manière de causer dans le poste, qui a modifié la grammaire de la radio et de la télé lorsque tout était congelé dans la variété. Alain Manval, c'est aussi l'histoire importante, oui aussi importante que le magazine Actuel et son mentor Jean-François Bizot dans les années 70-80. Mais oui, ce soir sur Radio Dio et dans notre bon vieux club, vous l'aurez compris, on ouvre les portes au génial Alain Manval, Stéphanois qui, comme tant d'autres, sont partis d'ici pour changer le monde. Manval, souviens-toi du futur. Alain Manval, c'est l'histoire d'un petit gars de Saint-Étienne. Il a fait ses études au lycée Mimard et Fauriel. Il a même fait des jobs d'été chez Manu France à plier des cannes à pêche. Mais l'école, vraiment, c'était pas son truc. Il est né en 1953 dans notre bonne vieille cité et très tôt, il s'est intéressé au théâtre en prenant des cours à la Comédie de Saint-Étienne. Et à l'époque, à la Comédie de Saint-Étienne, il y avait son créateur, Jean Dasté. Jean Dasté, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un comédien qui a joué dans le cinéma de Jean Vigo avant la Seconde Guerre mondiale. Et Jean Vigo, lui, il a une carrière fulgurante dans l'histoire du cinéma. C'est une sorte de Rimbaud de la caméra, un poète libertaire et punk qui a bouleversé la manière de faire des films et aura influencé la nouvelle vague dans les années 60. Autrement dit, pas de Jean Vigo, pas de Jean-Luc Godard. Alors Jean Dasté a non seulement baigné dans cette poésie extraordinaire de Jean Vigo, non seulement il a créé le premier centre dramatique national en France, ici à Saint-Étienne, mais il a surtout formé des générations de talents et aura une influence extraordinaire sur le destin d'Alain Manval. Il lui aura insufflé un goût pour le travail, pour la rigueur, pour la liberté aussi, et lui apprendra à poser la voix. Sa voix dont Alain Manval dira que c'était son fonds de commerce. Mais Jean Dasté va aussi l'aider à s'outiller pour trouver la liberté. Il lui donnera sans doute ce goût de vouloir s'adresser au plus grand nombre en causant de choses pointues. Jean Dasté, c'est la culture pour tous. Alain Manval, lui, ce sera le punk et l'underground pour tous. Et on écoute un extrait de la bande originale de La Talente réalisée par Jean Vigo. Peut-être, l'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma. En 1977, Alain Manval quitte Saint-Étienne, puis déguerpit de Paris pour s'installer à Londres. Il traverse fiévreusement deux années follement punk avec son crush de l'époque, le réalisateur Derek Jarman. Il devient attaché de presse pour Johnny Thunders et les Heartbreakers, c'est les groupes punk new-yorkais émigrés à Londres. Et c'est là qu'il rencontrera sa grande copine Siouxsie. Nous sommes à Londres en 1978. We'll be right back. trop qu'on a enregistré. D'être présent avec des petites équipes réduites, parce que je savais déjà fonctionner à l'économie. Et voilà, pouvoir filmer sur un rythme un peu... Il y a le son. Voilà. Il y a le son et puis le bon esprit. Après Londres, il y a le son qu'Alain Manneval importe pour la première fois en France sur Europe 1 dans son émission Pogo. Nous sommes en 1978. It doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Se branche sur Pogo autour de minuit. On écoute Siouxsie and the Banshees, les Buzzocks, Ian Dury, The Saints, The Clash, The Jam, The Heartbreakers, The Ramones, Devo, les Talking Heads. Alain Manneval casse le disco et passe la variété à la moulinette. Et puis soudain, le punk devient un objet commercial. Ben non, son esprit demeure. Et vive la sono mondiale. Il poursuit ses aventures, toujours sur Europe 1, entre 1981 et 1989, avec Marc Garcia, dit le Marquis, réalisateur de sa nouvelle émission qui s'appelle Bon Esprit. Et c'est toute une époque dandy qui est mise en onde. Le punk est mort, vive les folles, les arty, la new wave, l'afrobeat, le rap, le rail. En un mot, la sono mondiale, pendant que le magazine actuel, lui, trouve son pendant dans la presse écrite. C'est toute la modernité de cette fin de siècle qui se fabrique. Oui, la mise en onde est novatrice et toujours foutraque. Oui, Alain Manneval crée des plages artificielles dans les studios avec la bénédiction de Philippe Gildas. Oui, il y a une piscine en plastique, du sable et des parasols pour recevoir ses invités venus de partout. Il diffuse des vinyles en import avant tout le monde. C'est bon esprit, c'est Alain Manneval. Et c'était absolument génial. Stepping out from above. La nuit des temps, Radio Duo. Alors là, ça s'adresse à vous tous, vous qui regardez Megahertz. Je suis sûr que vous êtes tous jeunes et hip, young and hip. Respirez fort, 7 étages sans ascenseur. Vous allez arriver dans le plus beau studio d'enregistrement du monde. Tous alors vous faites par comme moi, amour, par amitié, vous on vous installez pas une thune, confortablement mais chez vous. Et au moins, Slama, on a le bébé qu'on veut. Alain Menval, c'est aussi le créateur et animateur de Megahertz de 1982 à 1984, une émission sur TF1 qui est alors encore une chaîne de télévision publique. Megahertz, c'est aussi tous les samedis après-midi en direct avec Brenda Jackson, journaliste à Best dès 1976 et rédactrice en chef du magazine et du fanzine punk rock Feeling. Alain Menval sera parmi les premiers à promouvoir le hip-hop en France et à inviter Afrika Bambaataa pour un live à Paris. Rock. La nuit des temps, l'international de la danse. C'est aussi carte de séjour, Rachita, interviewée avec ses potes à Rieux-la-Pape. Et nous sommes en 1984. Danse d'aujourd'hui, yeah, danse d'aujourd'hui. Et car nous là ça donne, où tu mets les frais me kiffent, où tu mets un extrême me fixe, où tu se l'aiding ça swing, où tu mets extrême me sexe, où tu mets extrême me sexe, où tu mets extrême me noom, où tu mets extrême me noom, yeah. L'année à fois, c'est la ro-ro-man, ro-ro-man. La Rojo Mari, donc tu es. Ok, rai, ma fatigue là au bout le mou. Oula, oula, oula, oula, c'est fou. Ok, t'es rai, ma fatigue là au bout le mou. Oula, oula, oula, oula, c'est fou. Et tiens, nous là, ça donne. Où tu mets les frères me kiffent, où tu mets l'extrême me fixe, où tu mets ton frère me nomme. Où tu mets l'extrême me sexe, où tu mets l'extrême me sexe, où tu mets l'extrême me sexe, où tu mets l'extrême me sexe, où tu mets l'extrême me sexe. Rojo Mari, Rojo Mari, Rojo Mari, Rojo Mari, Rojo Mari, Rojo Mari, Rojo Mari, Rojo Mari. We'll be right back. Bonjour. Le générique. J'ai pas. Alors pour démarrer l'après-midi à 13h26, la série FM. À 14h20, vous me retrouverez dans Mégahertz pour vous parler de musique avec un concert de Killing Joke, un groupe anglais enregistré à la Murphy's Odéon à Londres, XTC au Palace à Paris, un groupe français, carte de séjour. À 15h50, une invitée pour vous parler de son livre, Véronique Stavinska, qui vient d'écrire un livre avec Denis Foucault, Question de poids. Aujourd'hui dans Mégahertz. La radio, la télé, depuis 20 ans jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Bon, il fallait que tu sois exotique. Et il fallait que tu amènes des palmiers sur tes fesses. Moi, je me rappelle, il y a une chanteuse noire, là, Joséphine Baker. Pourquoi que ça a marché? Parce qu'au début, elle est venue avec ses seins nus, puis elle a apporté des paillettes, et des bananes, et ça a marché. C'est tout. Bon, je vois que, par exemple, les Français sont en train de perdre leur culture, par exemple. Bah ça m'emmerde. Ils ont besoin de nous à la limite. Mais même au niveau culturel. Les gens ne peuvent pas accepter. Par exemple, le coutume de mariage, le coutume pas rentrer, de baptême. Hein. Moi, je sais qu'à Lyon, j'ai pratiquement fait toutes les boîtes et on m'a toujours refusé. C'est en majorité, nous, en minorité. On ne veut pas l'accepter. Vraiment, ça, tous ces jeunes-là qui souffrent. Parce que vraiment, ils souffrent. Ce qu'il ne faut pas croire, mais ça existe les ratonnades. Par exemple. Les ratonnades, tout ça, là. Mais on va rester en France, on va aller du côté de Lyon. Et à Lyon, il y a un groupe français dont on a beaucoup parlé, puisqu'ils étaient même les invités de Polak samedi dernier sur TF1. Il s'agit de Carte de séjour. Alors des images de Chanton Saguez, Carte de séjour et Rachid, un chanteur étonnant qui a des le choses à dire. C'est un vrai français, même s'il est algérien, Rachid. Carte de séjour. Des artistes. Alors ça vous pose beaucoup de problèmes là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens. Vous venez de voir un extrait de la présenté comme Working Over Town, on va pas enregistrer pendant la répétition de France avant le concert du Palace. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là au Palace, eh bien, la maladie qu'avait un dit par qui s'appelle une hépatite virale. Alors, il a craqué au bout d'un titre et il a été obligé de quitter la ville. Le concert a été annulé, le concert camarade, ça vaut le coup. Et ce n'est pas une plaisanterie. No, I feel like that's almost a cliché. It's not really... too much reward in these countries because not to be derisive, but many of the people can come to the shows, but they haven't got the money to buy an airport. So this is, and even some people come to the shows don't have electricity or record plants. This is a very negative way of approaching. I think it's in some cases it's maybe forcing something on you that is not really required. Alain Manneval, souviens-toi du futur. Alain Manneval, c'est la radio, c'est la télé, mais il n'a jamais oublié ses cours de théâtre à la Comédie de Saint-Étienne. En 1985, il joue dans Le Havre, réalisé par la libre et intransigeante Juliette Berthaud. Juliette Berthaud et Yves Simon. Vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine. À mon accueil, il n'y a pas crête. de l'époque était le cinéaste Derrick German. Donc, habiter chez Derrick, être sur la préparation du premier film punk au monde. Je pense que mes histoires de cul, mes histoires d'amour m'ont fait toujours bouger. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a enlevé de Londres, m'a fait venir en Italie. Après, je me suis retrouvé par une autre histoire d'amour à Istanbul. Et je me souviens, c'était en pleine nuit en 1988. J'étais sous la couette, j'écoutais la radio. Alain Manval lance pour la première fois sur les ondes Zobi. Zobi, Zobi, Zobi, la mouche. Vous me reconnaissez ? Ah, c'est moi ! Zobi ! Légende veut qu'Alain Manval, en 1978, soit interdit d'antenne pendant 3 ans sur Europe 1 après la marée noire causée par un pétrolier en Bretagne. Au micro, furieux, il boycotte Shell. Je suis né dans les chantiers japonais. En vérité, j'appartiens aux Américains. D'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. Tonnes de pétrole brut, 120 000 tonnes. Degrés de latitude se tient la Barracuda Tankers Corporation. Son patron m'a donné en location location à l'Union Oil Company de Californie. De pétrole brut, 120 000 tonnes. Dans le Dora Canyon, le Dora Canyon. Si je bats pavillon du Liberia, le capitaine et les marins sont tous italiens. Le mazout dont on m'a rempli les sites, c'est celui du consortium British Petroleum. Cent vingt mille tonnes, espèce de brute, 120 000 tonnes. Alain Manval a non seulement bouleversé la grammaire de la radio et de la télé, mais il a aussi infusé ce petit truc alternatif qui manquait tant à l'époque dans les médias nationaux, qui manque peut-être d'ailleurs aujourd'hui singulièrement. Il avait ce truc pour accueillir ce qui venait d'ailleurs, tous ces sons, et il avait les oreilles et les bras à l'affût pour façonner des programmes et faire tomber les citadelles de genre, de goût et de style. C'est peut-être sur ce point que l'on reconnaît l'influence de son mentor stéphanois, Jean Dasté, c'est-à-dire ce goût pour le travail, la curiosité et l'envie de faire connaître l'inconnu auprès du plus grand nombre. Alain Manval avait cette curiosité énervée si chère à notre bonne vieille ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne vers laquelle il revenait régulièrement et où il avait gardé un appartement du côté de Bellevue. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas ce soir qu'on va faire le tour des vies nomades d'Alain Manval, mais on n'oublie pas non plus son engagement pour la lutte contre le sida dans les années 80 ou encore sa fidélité auprès de beaucoup de producteurs avec qui il avait travaillé. C'était la nuit des temps, Alain Manval. Souviens-toi du futur. Avec ce soir les Anglaises Jam et son dandy de chanteur Paul Waller, on a également reçu Maurice Jobert et sa musique de film composée pour Jean Vigo et son chef-d'œuvre La Talente, la grande copine d'Alain Manval, Siouxsie and the Banshees, Johnny Thunders de passage à Londres, Visage et sa disco fluide, Africa Bambaataa et son rap Red, Rachida bien sûr interviewée à ses débuts avec le groupe Carte de Séjour, Yves Simon qui rendait hommage à la réalisatrice Juliette Berthaud, Zobi Zobi Zobi Zobi la Mouche et Les Négresses Vertes sur une musique de Nino Rota, Serge Gainsbourg, vous l'avez reconnu, également énervé par les marées noires. Et puis on va se quitter dans quelques instants avec un vieil ami d'Alain Manval, Daniel Darc. Et on enchaînera ensuite avec l'un des derniers titres joués par Alain Manval sur France Inter, Nina Simone. Un grand merci à CJP pour avoir retrouvé les archives sonores d'Alain Manval. Et Dieu sait que c'est un plaisir de prononcer ces trois lettres CJP. Et puis bien sûr Vincent Lecomte pour ses montages, eux aussi toujours bon esprit. Cette nuit des temps a puisé ses sources dans le formidable site internet créé par Pascal Lebert et qui s'appelle tout simplement alamanval.com. Je vous recommande chaudement d'y aller. Beaucoup d'archives, beaucoup d'infos, c'est passionnant. Et maintenant, je me retire derrière mon rideau de silence. Bonne annotée, sous les étoiles de Saint-Étienne. Et bonne semaine à Daniel, à Alain, à Fela, à Siouxsie, à Rachid. Bonne annotée à vous tous. Thank you. Là, je suis très, très, très, très ému. Il y a quelques mois, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. J'occulte toujours les dates de mort des gens que j'ai aimés. La vie de cette époque-là, ça doit continuer. Et maintenant, je me retire derrière mon rideau de silence. Je suis fatigué, là, by happiness. Bonne annotée et bonne semaine à vous tous. Et Dédé, il a écrit un texte qui dit le titre « Des idiots comme moi ». Daniel Darc. would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Like a bird in the sky, how sweet it would be if out my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, cause I know, yeah. And I'd sing, cause I know, yeah. Then I'd sing, back again. In, of course, you're listening to WBAI in New York, and this program is Labrish. My name is Hafter Selassie, and we're speaking with Baba, or maybe Ras Baba. Can I give a message? Hello? Go ahead, man. Yeah, I'd just like to say, let's have some music now, huh? Okay, okay. Thank you. You're right. Don't expect it after dark, no. Die! for my soul, to make a move. Pretty girl on her feet, I wish everything could be as sweet. Because you know, just what I mentioned, new extension, 1,059